franceinter.fr. Aujourd'hui dans l'affaire sensible, l'histoire de la grève des ouvriers de l'usine Rodiaceta à Besançon au printemps 1967. Pour la première fois depuis 1936 et un an avant les événements de mai 1968, des ouvriers décident d'occuper leurs usines, oui plusieurs usines. Cette grève n'est pas une simple réponse à une diminution de salaire, au chômage, elle est beaucoup plus que cela. Elle porte en elle une critique globale du temps et des conséquences du travail sur la vie des salariés, sur leurs loisirs, sur l'accès à la culture également, pour tous. De cette grève, la télévision et la radio n'a presque rien vu, rien entendu. À l'époque, à l'ORTF, toute effervescence étudiante ou ouvrière est persona non grata à l'écran ou sur les ondes. L'information est encadrée, surveillée et orchestrée sous la coupe du ministre de l'Information. Les mobilisations et les revendications se déroulent hors champ. La trace de cette lutte, mis à part les livres et les témoignages postérieurs, c'est un cinéaste qui nous l'a donné, Chris Marker. Sollicité par les ouvriers, il est venu filmer la grève et ses conséquences. De ces rencontres est né un film au titre prophétique, « À bientôt, j'espère ». Film où les ouvriers de l'usine nous parlent de la machine, mais aussi de leur vie à côté de la machine. Ils nous racontent le temps de l'usine et son impact sur leur famille, sur leur corps, sur leur esprit, de façon exceptionnelle et inattendue. Ce film est diffusé à la télé en mars 1968, un an après les faits. Pour la première fois, la classe ouvrière, celle-là même que les observateurs de l'époque décrivent comme diminuée, silencieuse, acquise désormais à la société de consommation, porte la controverse à l'écran contre cette vie dite moderne et refuse de mesurer le bonheur à l'aune des salaires. C'était il y a presque 50 ans. Pour parler aujourd'hui de cette affaire, nous recevons l'écrivain et réalisateur Gérard Mordillat, auteur notamment de plusieurs ouvrages qui nous plongent dans le monde ouvrier actuel, dont le tome le plus connu s'intitule « Les vivants et les morts », d'autant plus qu'il a été adapté comme série à la télévision. Son dernier livre, « Les brigades du rire », est une fresque tragicomique autour de Betty, Cole, Dylan et quelques autres personnages, des salariés qui décident d'enlever, de séquestrer un éditorialiste vedette de valeur française. Vous entendrez également un reportage de Gellor van Wimersch qui s'est rendu à Besançon à la rencontre de deux ouvriers grévistes de la Rodia. Ce sont des acteurs de cette histoire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Julien Chabassu. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Besançon, 25 février 1967. Sur les bords du Doubs, à bord de la ville, se trouve le site de la Rodiaceta, un complexe industriel où 3000 ouvriers se rendent chaque jour. La Rodia, comme on l'appelle là-bas, est le cœur de la ville, celui qui ne cesse de battre jour et nuit, 7 jours sur 7. À l'époque, la Rodia est le symbole d'une entreprise de textile florissante. Forte de son monopole sur la production de fibres de polyester en France, elle est leader sur la soie artificielle et deuxième fabricant de nylon de l'Hexagone. L'entreprise est la seconde enseigne de textile du plus grand trust du pays, Rhône Poulenc, qui a sous sa coupe l'avenir de plus de 100 000 ouvriers. À la fin des années 50, alors que le général est de retour, que la France quitte l'Algérie et ses colonies, comme toute l'économie française, le secteur textile se porte bien. La production ne cesse de croître et les équipes augmentent. À la Rodia, comme on l'appelle à Besançon ou sur les autres sites de la région, pour être embauché, il suffit d'obtenir un entretien, de faire un essai de 96 heures et sauf impair, l'embauche est au bout du chemin. Après, c'est aux salariés de choisir de rester ou non. D'ailleurs, beaucoup parmi les prétendants n'ont enfilé la cotte blanche qu'une fois, car ils n'ont pas supporté la charge et le rythme de travail. À la Rodia, c'est la machine qui règne. Elle contrôle la cadence, les temps de pause, la mécanique des corps qui exécutent les mêmes gestes. Ici, la production ne s'arrête jamais. Pour produire de la soie artificielle et du nylon, il est impossible d'arrêter la machine au-delà de 2 heures. Sinon, il faut plusieurs jours aux équipes pour nettoyer et relancer la production. Alors, dans le vacarme constant des milliers de moteurs d'étirage, dans la chaleur et l'humidité des filatures, près de 3000 ouvriers turbinent jour et nuit. Après 8 heures de travail, on les remplace par une autre équipe. Le cycle s'organise ainsi. 2 jours le matin, de 4h à midi. 2 jours d'après-midi, de midi à 20h. 3 jours de nuit, de 20h à 4h. Puis, 2 jours de repos. On appelle ça les 4-8. C'est à ce rythme que les profits augmentent, que la production s'intensifie. Voilà le prix à payer pour gagner un salaire majoré et obtenir son ticket d'entrée dans la société de consommation, oasis des 30 glorieuses, où le bonheur est synonyme d'achat. Malgré tout et par à-coups, les corps et les esprits s'échauffent contre ce travail perpétuel. En 1967, la situation économique de l'entreprise est moins bonne. Alors, pour diminuer les pertes dues à la diminution de la production, la direction décide de comptabiliser les jours chômés en jours de congé. Après une vingtaine d'arrêts de travail avec des débrayages hebdomadaires de 2 heures, les ouvriers votent la grève totale et décident l'occupation de l'usine. 5 jours après, le 1er mars, France Inter fait le point sur la situation pour la première fois. Au matin du 5e jour de grève, aucun élément nouveau important n'est intervenu dans l'évolution du conflit Rodia-Ceta à Besançon. Hier soir, après un nouveau meeting, la position des syndicats s'est encore durcie. Les piquets de grève ont été renforcés et personne n'a pu pénétrer dans les ateliers de l'usine. L'occupation est devenue totale. Les délégués syndicaux affirment qu'ils ne céderont pas et leur mouvement, qui à l'origine se proposait de protester contre les réductions d'horaires et les pertes de salaire, est devenue une action revendicative portant également sur l'amélioration des conditions de travail. Sur les 3000 employés qui ont cessé le travail, on estime que 2000 ouvriers seulement font grève de leur plein gré, mais les syndicats affirment qu'ils n'ont exercé aucune violence et que la grande majorité est pour la grève. La direction a cependant annoncé que pour rétablir la liberté du travail, elle avait introduit une action judiciaire. Malgré la demande de la direction, l'État refuse d'envoyer les forces de l'ordre évacuer les ouvriers en grève. Alors le mouvement se poursuit, mais loin des micros et des caméras de l'ORTF. Durant ces premiers jours de lutte, certains ouvriers décident d'envoyer une lettre comme une bouteille à la mer à un cinéaste, un certain Chris Marker. Elle se résume à ces quelques mots. « Si vous n'êtes pas en Chine ou à Cuba, venez à Besançon, il s'y passe des choses intéressantes. » Si aujourd'hui encore, Marker reste assez inconnu parmi les cinéastes français, à Besançon en 1967, il est une célébrité. Certains ouvriers ont vu ses films dans les locaux du CCPPO, le Centre culturel populaire de Palantes-les-Orchamps. Situé dans le nouveau quartier de la ville, près des grands ensembles au béton pimpant, on y projette des films, on assiste à des pièces de théâtre, on rencontre des artistes comme Emmanuel Robles, Colette Magny ou Ariane Mouchkine. C'est là qu'ils ont vu Un dimanche à Pékin, Cuba, Si et Lettre de Sibérie de Chris Marker. Ils connaissent son œuvre et ses combats. Technicien hors pair, comme il l'a prouvé dans La Jetée, Marker est aussi un homme de son temps, témoin, caméra au point, des bouleversements du monde, de Cuba au Japon, de Paris à l'Amérique, où il porte son regard sur les peuples et les groupes en lutte. Le 9 mars 1967, alors que les ouvriers de la Rodia entament leur 12e jour de grève, il le voit débarquer avec une petite équipe, caméra et micro sous le bras. Accompagné du chef opérateur Pierre Lhomme, de la monteuse Michel Boudet, ainsi que de l'ingénieur du son Antoine Bonfanti, il vient voir ce qui se passe ici, comme l'y invitait la lettre des ouvriers. Durant ce premier séjour, il tourne quelques images, photographie l'usine occupée, ses barricades et ses slogans peints sur les murs. À Besançon, en se libérant de la machine, on libère aussi les mots, et c'est bien cela qu'est venu chercher Chris et son équipe. Lors de cette première, le cinéaste les interroge sur les raisons de leur lutte. La caméra reste encore dans son étui. Chris Marker cherche juste à comprendre, enregistre leurs paroles sur un magnétophone. Si la bande-son est désormais perdue, il reste comme trace de cet échange une retranscription publiée dans le Nouvel Observateur sous le titre « Les révoltés de la Rodia ». Dans ces paroles retranscrites, on entrevoit les raisons de la colère. La diminution de salaire, certes, et le chômage organisé, mais pas seulement, non. C'est toute une structure qui est mise en cause, comme l'indiquent les mots de cet ouvrier. Nous travaillons en feu continu. Nous avons un dimanche libre par mois. Les autres dimanches, nous travaillons soit de matin, soit de nuit, soit d'après-midi. La vie familiale est complètement sabotée. Quand nous travaillons de nuit, il n'y a pas de contact avec la famille. Le gars dort quand ses enfants sont là et quand il part au boulot le soir. Ça lui ôte beaucoup de contact avec les enfants. D'autant que la majorité des gars de la Rodia-Ceta habitent dans les HLM, où il est très difficile de dormir convenablement, d'avoir une vie, qui soit en rapport avec le travail qu'on nous demande. Les structures sociales que subissent les gars de la Rodia-Ceta n'apporte rien qui puisse améliorer la dureté des conditions de travail. En fait, ce que nous vivons à côté, en tant qu'hommes, eh bien ça rejoint encore ce que nous vivons à l'usine. Pour les ouvriers, l'usine n'apparaît pas comme un simple lieu de travail, mais comme une dépendance de la maison. Elle est une part d'eux-mêmes qu'on leur impose comme toile de fond de leur vie. Malgré les slogans de modernité, de société de consommation ouverte à tous, l'aliénation est bien là. Et c'est bien pour cette raison que l'occupation est symbolique et importante. Elle permet de se réapproprier le lieu et le temps. En quelques jours, à côté des meetings et des réunions des comités de grève, l'usine devient une véritable maison de la culture éphémère où conférences, lectures, débats sont tenus. Derrière ces murs où logiquement la pensée est impossible, les ouvriers installent des espaces où l'on prend son temps. On se laisse emporter par l'art, véhicule de ce qui est beau et qui développe l'esprit critique, et où on joue avec les mots. Parmi les agitateurs culturels, on retrouve un certain Paul Seb. Entré à la Rodia en 1956, il gère la bibliothèque de l'entreprise. C'est lui qui a ouvert ses copains à ces questions de l'accès à la culture. Depuis de nombreuses années, chaque semaine, après le travail, il organise avec quelques-uns des sessions de lecture. Il débroussaille avec eux les premières pages, puis les accompagne, de loin. Alors, quand le mouvement se lance, l'accès à la culture devient un élément aussi important et nourrissant que de meilleures conditions de travail. De cette revendication, la formation ne dit rien. Dans le schéma médiatique, une grève se limite souvent à une succession d'étapes, images d'Épinal qui se résument au vote de la grève, à des meetings et des manifestations, à des scènes de violence, parfois entre salariés ou contre les forces de l'ordre, puis la fin d'un conflit classique autour d'une table. Déjà en 1967, le schéma se résume à peu près à cela. Les revendications culturelles, le soutien de la population et des autres usines à travers toute la France, l'union entre les syndicats, les expositions, les conférences, de tout cela, rien n'est dit. Seule l'avancée des négociations et la reprise du travail intéressent. Le 22 mars, après un mois d'occupation et aucun véritable reportage sur cette grève, la signature d'un accord est annoncée en grande pompe à la télé et à la radio. L'accord suivant a été conclu. Une hausse de 3,80% sur les salaires, accompagnée d'une mesure portant sur les bas salaires, sera mise en application à compter du 1er avril 1967. Cet accord sur les salaires est valable pour une année. Mais malgré ces promesses, 9 mois plus tard, à la fin de l'année 67, la direction annonce la diminution des 2 primes annuelles des salariés et la suppression de 2000 emplois d'ici la fin de l'année. Cette vague de licenciements débute dès le mois de décembre par le renvoi de 97 ouvriers pour abandon de poste répété. Une partie des premiers licenciés sont des délégués syndicaux de la filiale lyonnaise. Pourtant, la grève ne reprend pas, seuls quelques-uns d'entre eux débrayent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, au contraire. Elle rebondit quelques mois plus tard à la télé, là où rien n'avait été dit des motifs de la lutte. Le 5 mars 1968, on diffuse en effet le film co-réalisé par Chris Marker et Mario Marais, « À bientôt j'espère », que les présentateurs nomment, eux, la condition de l'ouvrier français en 1968, dans l'émission Caméra 3 de la seconde chaîne, présentée par Henri Turenne et Philippe Labro. Ont-ils hésité avant de diffuser ? Très probablement, comme le prouve le texte introductif d'Henri Turenne. Dans cette rubrique qui s'intitule, je vous le rappelle, Tribune Libre, nous allons vous présenter un document sur la condition ouvrière en France en 1968. Il s'agit d'un film que nous a apporté Chris Marker et qu'il a tourné à Besançon. Le document d'aujourd'hui est un document qui prend parti nettement même, qui présente un certain point de vue que on peut considérer comme extrémiste, c'est le point de vue d'un certain syndicalisme de combat. Inutile de dire donc qu'il n'engage pas l'ORTF. Évidemment, ce film va faire plaisir à quelques-uns, et il va certainement provoquer des réactions très violentes de la part de ceux qui ne sont pas d'accord avec les thèses qu'il expose. On veut pas de problème. On veut avancer les choses. Cette façon de marcher sur des œufs, ces précautions pour destinataires, les téléspectateurs, mais surtout la direction de l'ORTF et le pouvoir. En effet, à l'époque, la télé de service public, tout comme la radio, est une maison où le rédacteur en chef n'est autre que le ministre de l'Information. Alors évidemment, tout est contrôlé, les grèves, révoltes, contestations du pouvoir en place sont disqualifiées ou tout simplement passées sous silence. Bien sûr, tout ne tombe pas sous le joug de la censure. Comme dans tout organe sous contrôle, des espaces de liberté subsistent. Admis ou non par le censeur, ils sont l'exception qui confirme la règle. La diffusion du film à bientôt, j'espère, sur la grève de 67 des ouvriers de Rodia Setta est l'une d'entre elles. Bien. Mais que montre ce film? Que signifie ce titre au message prophétique? Et quelle sera la suite? Tu paieras ta télévision avec tes gauloises manquées. Tu paieras ton lapin vision à la sociale sécurité. T'enverras des fleurs à ta mère avec le reste de tes soucis. Tu mettras de l'eau dans ton verre, le vin ça fout la maladie. Mais faut jamais, même en rêve, faut jamais faire la grève. Tu passeras à la fin du mois prier Notre-Dame des petits fours. Si par hasard tu n'as plus de croix, on te refilera une croix de secours. Ça monte tout droit comme la fumée des hauts fourneaux, à moins qu'il y ait le vent qui passe par là. Alors t'as prié pour la peau. Alors des fois, même en rêve, tu pourrais peut-être faire la grève. Information pour Lyon, de Lyon et pour Thomas, 5 minutes d'arrêt, les copains, groupez-vous. 5 minutes d'arrêt, groupez-vous autour des voitures. Et voilà prise sous les voitures. À Lyon, le 15 décembre. Les camarades vont choper leur feuille de paix. Sur leur feuille de paix, il n'y avait plus rien. Les ouvriers de 4-8 ont réagi et ont débraillé. La direction a fermé la boîte. À bientôt, j'espère, débute ainsi avec un homme qui demande à ses collègues d'attendre quelques minutes à côté de l'entrée. Sous la neige qui tombe, Georges Morivard, dit Yo-Yo, fait le point sur la situation à Lyon, où 92 salariés ont appris leur licenciement 6 mois après l'occupation du printemps. Puis c'est autour d'une table que des anciens grévistes du printemps 67 se souviennent du mouvement. Face à la caméra, ils racontent ces jours où tout a commencé, où syndiqués, non-syndiqués se sont mis à débattre, proposer, concevoir une autre vie. Certains n'avaient jamais milité ni pris la parole dans une AG ou devant les collègues. Ils ont découvert les syndicats, les communistes, les catholiques socialistes, cathos de gauche. Durant ce mois d'occupation, ils ont découvert dans l'autre un semblable, un frère d'armes, un compagnon de la machine. Dans le film, les discussions collectives sont entrecoupées par des images, des événements et des entretiens longs avec des ouvriers chez eux. La volonté de Chris Marker et de Mario Marais n'est pas de réaliser une chronique du conflit, de mettre des images sur les temps forts de la mobilisation, des piquets de grève aux manifestations, des meetings aux négociations, non. Il veut aller au-delà, oui, au-delà des tracts et des articles de presse. Ce soir, à la télévision, c'est l'usine et ses à-côtés que les téléspectateurs découvrent. Les 4-8, les jours sans fin et les heures qui suivent au sein du foyer, comme pour cet homme et sa compagne, qui témoignent. Je travaille en 4-8, hein. Si je travaille de nuit, je rentre à 4h30, elle repart au boulot à 6h30. Je la vois juste le midi, tu sais, elle me réveille, j'ai mal luné. Tu vois ce que c'est quand t'as travaillé et puis t'as mal dormi. Alors, ça va pas. Le soir, elle rentre à 6h30, je repars à 7h20, moi. Il faut qu'elle fasse à manger. On mange à vitesse, pof, je me fous le camp. Quand je travaille l'après-midi, c'est pareil. Je rentre le soir à 8h, elle a besoin d'aller se coucher. Quand on mange, elle va se coucher, elle est fatiguée. Bon, on se voit très rarement. Et puis, c'est vrai, quand elle me parle de travail, de son travail, eh ben ça me contrarie, tu vois. Je ne peux pas y répondre, quoi. Ça ne m'intéresse pas. J'en ai marre de parler tout le temps de ce travail. On ne fait pas la chose utile en travaillant. On fait de l'utile pour soi parce qu'on ramène sa paye, quoi. Mais enfin, on travaille dans le vide, hein. De toute façon, actuellement, on travaille dans le vide, quoi. Travailler pour les autres, c'est pas drôle. Et c'est la machine qui nous conduit, quoi. C'est toujours les mêmes gestes. On fait toujours pareil, s'il n'y a aucun intérêt à ce travail, quoi. Moi, j'arrive à 8h, à 8h10, je regarde déjà ma montre. Hein? Je m'ennuie. Enfin, on s'ennuie. Moralement, on s'ennuie, quoi. Un peu plus loin dans le film, on rencontre un autre ouvrier, attablé dans sa cuisine moderne avec gazier. Son quotidien à l'usine et en dehors de l'usine. À son poste, il est seul, avec comme décor sonore et sensoriel le bruit des machines et la chaleur. Toutes les 60 secondes, il décale ou enlève une bobine de 22 kilos, épluche, coupe le fil, place une étiquette, et ça recommence, indéfiniment, et ainsi pendant 8 heures. Depuis son arrivée, les cadences augmentent chaque année, et quand il rentre à la maison, son corps met du temps à sortir des cadences. Alors il se cale devant la télé pour éviter de tourner dans son lit. La télé, cette fenêtre sur le monde, ce loisir à portée de main, celui qui nous fait passer le temps, oublier la journée. Critère de richesse pour certains, elle est pour d'autres un compagnon des heures d'attente avant que ne sonne l'heure du retour à l'usine. Les loisirs, le temps pour soi, l'ouvrier ne se les octroie que pendant les vacances. Le reste, c'est une course contre le temps, celui de l'usine qui investit tout, cette pieuvre. Si la grève se termine par une victoire en mars 67, puis par un retour de bâton pendant l'hiver de la même année avec l'annonce des futurs licenciements, certains ouvriers ne gardent aucune rancœur, mais plutôt de l'espoir, oui. C'est le cas de Yo-Yo, à qui Chris Marker donne le mot de la fin. La grève de Rodian n'est pas un échec, parce qu'ils veulent donner un Noël à leurs gosses et ils sont obligés d'aller travailler. Et ils savent qu'on a raison. 10 000 travailleurs, on peut estimer à 10 000 travailleurs, ont perdu une journée sans... Comme ça, là, c'est pas un exploit, ça, non, c'est ça la solidarité, c'est quelque chose de formidable. Je sais pas, moi, comparé à ce que nous dit Guy Lux ou à ce que nous dit France Dimanche, c'est quand même formidable, c'est une autre gueule, non? Oui, c'est sensationnel, mais il y en a qui n'en sont pas conscients. Que... C'est pas sensationnel, c'est normal, c'est la classe ouvrière. Et c'est ça qu'il faut avoir conscience, quoi, que les gens, que c'est pas les conneries qu'on nous raconte qui sont belles, c'est parce qu'il n'y a pas dans France Dimanche ou dans Ici Paris, mais c'est dans ce que fait la classe ouvrière. Enfin, perdre 5000 francs parce que des copains ont été licenciés et encore aujourd'hui verser des sommes de salaire pour que ces gars-là aient leur salaire d'assuré. Si ça se savait, ça, un peu, si on pouvait le développer. C'est pas de la culture, ça? Si, même beaucoup. Mais je veux dire aussi aux patrons qu'on les aura, c'est sûr, parce qu'il y a cette solidarité et qu'eux ne savent pas ce que c'est. On vous aura, on vous en veut pas encore terriblement à ceux qui se prennent un peu pour des patrons et qui ne le sont pas, mais ceux qui détiennent le capital, on vous aura. C'est la force des choses, c'est la nature et à bientôt, j'espère. Après la diffusion du film, les journalistes sont de retour sur le plateau de télé avec deux économistes invités à réagir. Le premier, Roger Prioret, journaliste. Pour lui, « À bientôt j'espère » est un film communiste. Il pointe l'absence de l'évocation de la situation économique de l'entreprise, mais aussi de la parole des actionnaires, qui selon lui sont les grands perdants de la dégradation économique du moment. Le second invité, c'est Jacques Delors, chef de service des affaires sociales et culturelles au commissariat général du plan à l'époque. Certes, il trouve le film passionné, orienté, mais selon lui, ce film met en lumière certains aspects des conditions de vie des ouvriers d'aujourd'hui et l'évolution de l'économie française. Mais je crois qu'à propos de ce film, on peut penser à un autre grand absent, c'est l'économie française. En effet, c'est devenu une banalité de le dire, mais depuis 4-5 ans, nous avons tous le sentiment physique maintenant, et non plus simplement intellectuel, que la France est en train de subir une formidable mutation pour s'adapter à la compétition internationale et que cette adaptation entraîne avec elle tout un cortège de remembrement des entreprises, de rationalisation, avec également toutes les conséquences sociales que cela implique, licenciement, réadaptation de la main-d'œuvre. Et bien entendu, c'est une période particulièrement aiguë de notre histoire économique que ce film retrace d'une certaine manière. Dans le film À bientôt, j'espère, on ne voit pas que la Rodia, mais une France effectivement à la limite de la fracture, de l'embrasement. Ici, la pellicule enregistre un temps, une époque, un instant qui annonce un futur qui se manifestera 2 mois après la diffusion du film, à Paris et en province, dans les facs et les usines, mai 68, bien sûr. En attendant que Paris se révolte, à Besançon, l'esprit de la grève et du changement n'est pas éteint. Tout est source de débats, d'analyses, de confrontations. Alors, quand Chris Marker et son équipe redescendent pour voir les gars de la Rodia et pour une projection d'À bientôt j'espère, les avis divergent sur le film. Le débat est vif et passionné entre certains ouvriers et le cinéaste. Les critiques sont d'ordre divers. Les élus syndicaux pointent l'absence des revendications des centrales syndicales, mais aussi des modalités de la grève du printemps 67. Pour eux, ce film est une suite de plaintes, certes justes mais omniprésentes, sans éléments pour les combattre. D'autres qualifient le film de romantique. En fait, lors de cette discussion, tous découvrent le cinéma. Le regard d'un auteur sur un événement, une personne, un groupe à un moment donné, constitué d'images et de sons montés dans un récit ordonné, c'est le regard de l'auteur précisément. Le documentaire cinématographique ou radiophonique n'est pas une représentation du vrai, de la vérité, mais d'une vérité, celle du reporter, sur un événement. Alors, comment faire pour changer les regards? Pour Chris Marker, il n'y a qu'une seule solution, donner la caméra à l'autre et lui permettre, lui aussi, de filmer. Après une première aventure commune avec la grève de 67 et le film À bientôt j'espère, une autre histoire voit le jour, celle des rencontres et des partages entre artisans de l'image et ouvriers. Cette idée, Chris Marker l'a eue en discutant avec Jean-Luc Godard lors d'une table ronde sur le thème « Le cinéma et l'événement ». Dès le début de l'année 68, ils ont organisé à Besançon des ateliers d'initiation à la prise de vue et au montage au Centre de Culture Populaire de Palande des Orchamps. Chaque semaine, des techniciens, des opérateurs comme Bruno Muel ou Jacques Loiseleux débarquent et initient à la photographie puis à la caméra les ouvriers qui le souhaitent. En quelques semaines, la caméra change de main, les regards basculent. En mai 68, à Besançon, la grève est votée, la lutte s'organise comme un an plus tôt. Désormais, derrière la caméra et le micro, ce ne sont pas seulement des professionnels de l'image, mais aussi des ouvriers qui filment, enregistrent, photographient leurs mouvements. Ils signent leur film du nom de groupe Medekin. Pour l'émission intitulée « Surpris par la nuit » en 2007, Georges Binetru et Henri Taforetti, anciens membres du groupe Medekin, se souviennent de ces premiers instants où ils ont pris en main un appareil photo ou une caméra. Moi, le premier jour où j'ai eu un Pentax dans les mains, j'en aurais presque pleuré. J'avais jamais eu d'appareil photo, moi, dans mes mains. Je veux dire, des appareils photo de cette valeur, parce que un Pentax à l'époque, ça coûtait la peau des fesses. Donc quand j'avais pris ça dans mes mains, j'en aurais presque pleuré, tellement j'étais imprégné de la beauté de l'appareil, mais en même temps de cet accompagnement, cette personne qui te prête un Pentax pour pouvoir faire des choses avec, et qui te dit t'es responsable, mais non, regarde, vas-y, on était transformés. Et après, une fois qu'on a travaillé sur la photographie, on est passé à la caméra. Donc ils sont arrivés avec une Beaulieu, une Super 8, que Jean-Luc Godard nous a acheté, une Beaulieu qu'il nous a prêté. Et là, on a commencé à filmer. Filmer n'importe quoi, on filmait des trucs. Et puis, moi, d'autorité, je me suis emparé de la caméra. Parce que je rentrais d'Algérie, j'avais une autre caméra dans la main. C'était une mitraillette. C'est une arme. Non, cette caméra, pour moi, c'était aussi une arme. Dans le sens contraire. Comme le tract, la caméra, les appareils photos, les micros sont des outils de lutte. Mais à la télé, dans les médias en général, la parole ouvrière reste l'exception. On l'entend, ici et là, bien sûr, mais elle reste limitée, et surtout en dehors des heures de grande écoute. Alors il faut faire image, événement pour se frayer une place. Derrière ces coups d'éclat médiatiques où il faut bloquer, manifester, séquestrer, briser des vitres ou arracher des chemises, il y a bien plus que des revendications salariales. Il y a des hommes et des femmes en colère, derniers vivants parmi les morts de la machine. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le conflit exemplaire de la Rodia Besançon 1967 et notre invité, c'est Gérard Mordillat. Bonjour. Bonjour. Auteur, réalisateur, documentariste, écrivain, beaucoup de vos livres nous plongent dans le monde ouvrier actuel, comme Les Vivants et les Morts, mais je vais en citer d'autres parce qu'on cite toujours Les Vivants et les Morts, Notre Part de Ténèbres, Rouge dans la Brume, et votre dernier livre qui vient de sortir s'appelle Les Brigades du Rire, nous y reviendrons pendant cette interview. Déjà, Gérard Mordillat, vous connaissiez cette histoire, le film de Chris Marker? Oui, je connaissais le film de Chris Marker et je me souviens très bien de la grève de la Rodia que je suivais dans le quotidien L'Humanité qu'achetait mon père, et donc on a suivi ça parce que c'était une grève exemplaire, bien entendu, et parce que encore une fois, ça dépassait très largement les revendications qui sont toujours mises en avant, qui sont les revendications salariales. Dans la grève de la Rodia, et vous l'avez très bien mise en avant, il y avait une revendication sur le temps de travail. Faire les 4-8, c'est quelque chose de meurtrier. Et on peut regretter que le gouvernement soi-disant socialiste actuellement au pouvoir en France soit revenu sur ce combat historique de la classe ouvrière qui a été toujours de réduire le temps de travail. C'est à mon avis une des choses qu'il y a urgence à faire si l'on veut assurer un emploi à un plus grand nombre de personnes. Et puis ensuite, plusieurs fois, j'ai entendu parler du mot culture. Et ça aussi, ça me touche beaucoup parce que on veut mettre en avant toujours l'image de la classe ouvrière comme simplement un culte illettré, juste capable de faire les mots fléchés des journaux gratuits et de dormir devant TF1. C'est un pur mensonge, parce qu'il y a une vraie culture ouvrière. D'abord, il y a un savoir de ceux qui travaillent dans les entreprises, quand on est conducteur offset, quand on est ajusteur-outilleur, quand on est coloriste sur tissu, on sait quelque chose que les autres ne savent pas. On a un métier. Et ouvrier vient d'œuvre, d'ailleurs. On fait une œuvre. Voilà, donc, il y a ce métier. Et il y a une culture. J'ai travaillé dans l'imprimerie, je peux vous assurer que tous ceux qui étaient dans l'atelier étaient des lecteurs, des spectateurs, des auditeurs, etc. Je veux dire, il y avait une vraie culture. C'était pas la chose qui est mise en avant, mais ça existe dans les relations, tout simplement, quotidiennes, dans une entreprise. Or, on ne veut jamais mettre ça en avant. Jamais on ne voit interroger, par exemple, à la télévision ou à la radio, quelqu'un qui viendrait du monde ouvrier, qui parlerait d'autre chose que de ce qu'est son emploi quotidien. Je veux dire, pourquoi on ne n'interrogerait pas, voilà, un ajusteur-outilleur qui viendrait parler de la dernière traduction de Ulysse de Joyce. Je cite ça parce que, voilà, pourquoi pas, bien sûr. Et alors, vous dites pourquoi pas, effectivement, mais pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi cette façon dans l'information? Pas toujours, heureusement, il y a quand même quelques exceptions, bien sûr, enfin, globalement, heureusement. Mais globalement, c'est vrai. Pourquoi on ne va pas chercher la parole des ouvriers là où elle est, c'est-à-dire sur leur lieu de travail et chez eux, comme Chris Marker l'a fait? Il y a un danger? Il y a un risque? Pourquoi on fait ça? Il y a un risque pour le pouvoir, tout simplement, quel que soit le pouvoir. C'est-à-dire, lorsque l'on voit l'intelligence populaire se mettre en œuvre, tous les pouvoirs tremblent, que ce soit les pouvoirs de droite ou les pouvoirs soi-disant de gauche. Tous tremblent et tous veulent empêcher les choses. Souvenez-vous du Larzac, souvenez-vous des LIP, souvenez-vous du référendum de 2005, on peut faire la liste, elle est longue. Tout simplement, il y a cette peur-là, et donc face à cette peur, on veut s'en protéger en poussant en avant toujours une vision disqualifiée du travail. Moi, c'est ça qui me choque beaucoup. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle du travail dans les médias? On parle des petits boulots, de l'intérim, de la précarité, du chômage au paradoxe, jamais de la qualification et du savoir. Mais il y a une qualification et un savoir qu'on pourrait mettre en avant. Il y a une capacité à réfléchir sur le monde à partir de ce que l'on fait quotidiennement dans l'entreprise qui vous emploie. Mais ça fait peur parce que il faut être, on est dans ce côté français où seule la bourgeoisie finalement a le droit de s'exprimer sur la culture. Et Je parle d'expérience. J'ai écrit plusieurs romans qui se situent dans le monde du travail, la working class, comme diraient les Anglais. Eh bien, faire ce travail-là, il suffit de lire les commentaires pour voir immédiatement que vous êtes poussé hors de la culture. Alors justement, c'est manifestement ce qui a dû vous inspirer pour Les Brigades de Rire. Livre que je n'ai pas encore lu, je ne vais pas faire semblant de l'avoir lu, c'est pas encore fait, mais je sais ce qu'il y a dedans, hein, ce que reprochent les ouvriers dans votre dernier roman, dans cette Brigade du Rire, à Pierre Ramu, un éditorialiste de valeur française, c'est d'écrire sur les ouvriers sans jamais les rencontrer, sans jamais enquêter sur leurs conditions de travail, de vie, sur leurs préoccupations, les idées qui les animent, et il décide de kidnapper ce monsieur et de le faire travailler à la chaîne. J'en dis pas plus. J'en ai pas trop dit, ça va ? Non, mais vous avez dit ce qu'il faut. C'est pas de le faire travailler à la chaîne, c'est de le faire travailler selon les critères qu'il définit de façon hebdomadaire dans son journal. Donc, il trouve que les ouvriers français sont des feignants et qu'ils ne travaillent pas assez, qu'ils ne sont pas assez productifs. Donc, il lui impose de percer 600 pièces à l'heure dans du dur à l'humain. Je vous assure que c'est très très dur. Ensuite, il trouve que les salaires sont exorbitants. Hein ? Eh bien, comme Monsieur Arnaud Le Parmentier du Monde, par exemple, qui pense que le SMIC devrait être de 691 euros pour 40 heures par semaine. Je pense qu'il touche ça, lui aussi. Donc là, Ramu, eh bien, il le paye le SMIC moins 20% pour concurrencer les Chinois. Il pense que les conditions de travail, etc., la précarité, la pénibilité, tout ça, c'est des mensonges et du baratin syndical. Donc, ils lui disent, pas de problème, vous êtes pour une augmentation du temps de travail, vous ferez 48 heures, et là, ils lui font pas faire les 4-8, mais les 3-8, etc. Donc, c'est une sorte de kidnapping pédagogique. Parce que j'entendais tout à l'heure Jacques Delors. On n'a pas entendu Priouret, mais ça a été du même tonneau. Ces gens qui parlent du travail, en réalité, n'y connaissent rien, rien de rien. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que vivent quotidiennement quand même à peu près 50% des Français, ce que ça signifie d'avoir un salaire. Parce que là aussi, avoir un salaire, c'est une chose, mais ça veut dire aussi des relations sociales, des relations professionnelles, le savoir dont je parlais tout à l'heure. Or, c'est tout ça qui est en jeu. C'est pas simplement la productivité. Or, sur la productivité, un journal hyper gauchiste qui est le Financial Times montrait que les ouvriers français, les ouvrières, étaient les plus productifs au monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais dans le même numéro, on montrait que dans l'investissement recherche-développement, les Français se situaient grosso modo juste avant la Malaisie. C'est-à-dire que les patrons français en sont encore à Molière, Macassette. On amasse, on ne redonne rien. C'est le primat du capital sur le travail. Voilà, c'est un grand problème. Bon, alors, on va maintenant écouter, je vous bouscule un peu, pardon. Oh, mais Gérard. Vous avez raison, bousculez-moi. on va écouter des gens qui savent de quoi ils parlent, puisque dans le documentaire de Chris Marker, vous vous souvenez, hein, un homme lance un message au patron avec ce « à bientôt, j'espère ». Eh bien, cet homme, il s'appelle Georges Morimard, on en a parlé. Son surnom, c'est Yo-Yo, tout le monde le connaissait sous le surnom de Yo-Yo. Eh bien, 50 ans plus tard, Gaylor Van Wimersch, notre reporter, l'a retrouvé à Besançon, accompagné d'un autre ouvrier, Henri Traforetti de la Rodia. Ils sont retournés sur les lieux de la grève de 67. On va les écouter ensemble. Là, on se dirige vers le centre-ville. L'usine n'est pas très loin. Là, on voit la citadelle de Vauban, Besançon. Oui. Et la Rodia. Rodia, c'est un. On l'aperçoit là-bas. À 4 heures le matin. J'ai pu admirer les étoiles. Voilà devant l'entrée, accès interdit, danger. Marquez le stop. À la Rodia, c'est tard. Ah, c'était le poste des gardes. Et on entre dans l'usine, dans ce qu'il en reste, puisque c'est une friche industrielle depuis les années 80. Ici, c'était quand même des ateliers assez difficiles parce qu'il y avait un bruit terrible, une chaleur lourde, et puis des cadences très rythmées, etc. Tout était programmé par un ordinateur et avec un encadrement de petits chefs pas très intéressant, quoi. On peut avancer, justement. Dans l'usine, on a la chance que ce soit ouvert aujourd'hui. On fait le tour, là-bas ? On entrait par là. On montait les escaliers, on rentrait au vestiaire, on enlevait ses vêtements, on mettait une cotte blanche, parce que, comme dans certains ateliers, il faisait extrêmement lourd et très humide, on était dans le plus simple appareil, pour ainsi dire. Moi, j'ai toujours de l'émotion, parce que, personnellement, ça a été une formation dans ma culture humaine, quoi, parce que j'ai rencontré des copains, des camarades, etc. C'était la formation d'hommes et de femmes qui sont émancipés, et ça les a grandis. Il y avait une principale inspiration, c'était le temps et les moyens de vivre. La culture, comme disait Bolsev, elle appartient aux bourgeois, eux, ils savent ce que c'est que la culture. Mais nous, il faut apprendre. Donc pour apprendre, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut lire. Et tout d'un coup, par l'intermédiaire de la bibliothèque, on va commencer à lire. Moi, au début, quand j'allais à la bibliothèque, je prenais des polars, j'ai tout lu, les polars, pour ainsi dire. Et petit à petit, on va essayer de nous faire lire. Bolsev, principalement, va nous dire, maintenant, arrête tes conneries. Il y a aussi autre chose, il y a d'autres romans, il y a d'autres auteurs et tout. Aragon, des trucs comme ça, quoi. Donc, il nous filait un bouquin, puis il disait, la prochaine fois que tu viens, eh bien, on en discute. Il y avait un petit débat qui s'opérait, puis hop, on recommençait. Parce que quand on connaît, on peut amener une contradiction. C'est ça, l'émancipation. Tandis que si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, vous vous taisez, c'est aussi simple que ça. Écouter de la poésie, voir des films, faire des films, etc. Ça aussi, ça embellit. On se transforme. 5-6 ans après la grève de 68, on n'était plus les mêmes. C'est le savoir qui est l'élément de base de l'individu. Merci, Ron Poulin, trust de la chimie, premier groupe financier français, c'est grâce à toi qu'on peut s'embourgeoiser. Votre lutte, votre combat, celui de 67, il débouche sur la suite de l'aventure qui est une aventure collective, qui est celle du groupe Medvedkin. Où là, la culture, finalement, caméra au point, c'est vous, ouvriers, qui la faites. Vous écrivez vous-même votre histoire. On nous avait montré comment utiliser les appareils qui permettaient de faire du cinéma, caméra et autres. On a eu envie de montrer justement ce qu'on ne voulait pas montrer à la télévision, dans les cinémas, les conditions de la classe ouvrière. C'était ça qu'on a voulu montrer. Alors il y a des grands noms qui viennent ici, justement, vous former. Il y a Jean-Luc Godard, Costa Gavras, il y a le photographe William Klein et Alain Resnais, qui débarquent ici à Besançon. Ah ça, je dois dire que dans ma vie de militant, c'est quelque chose qui a beaucoup compté et dont je suis fier. C'était beau. Quand tu calcules le nombre de gens qui sont venus voir, par exemple, la troupe théâtrale 1789, par exemple. Darianne Mouchkine, c'est ça? Oui, Darianne Mouchkine. Quand tu regardes, tous ces gens qui sont venus là, c'était pas gratos, ils ont quand même emmagasiné quelque chose. Tous les prolos qu'on a emmenés au théâtre. Le Théâtre du Soleil n'a joué qu'à Milan et à Besançon et à Paris. Voilà. C'était des moments très heureux. Hein. Par exemple, on sortait à 4h du matin, on allait faire du cheval à 40 km de là. Du cheval? Oui, du cheval à 4h du matin. On allait à Intraven, genre. Il n'y en a pas beaucoup de prolos qui font du cheval, hein, je te le dis, moi. On a milité, on a fait beaucoup de choses. Je trouve que c'est un gâchis économique, un gâchis social, un gâchis industriel. Et ça, c'est impardonnable. Je veux dire, moi, je ne pardonne pas à tous ceux qui ont permis ce genre de choses. Et bon, je parle de la Rodia il y a 48 ans, mais on pourrait parler aujourd'hui de toutes ces entreprises qui ferment. C'est ça qui est d'une grande tristesse. Les gens qui manifestent pour défendre leur emploi, c'est eux qui devraient avoir la Légion d'honneur. La lutte des classes, elle est toujours là. Bien sûr, les gens ne peuvent pas la définir concrètement, mais c'est tellement dur de s'en prendre à un patron. Le courage qu'il faut pour aller dire à son patron « t'es un beau salaud, tu nous fous dehors ». Dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est ce qui est dramatique. Vous, Georges Moriva, vous dites, et c'est d'ailleurs ce qui a donné le titre au documentaire de Chris Marker, vous dites à la fin de ce documentaire, ceux qui détiennent le capital, on vous aura. Et à bientôt, j'espère. À bientôt, j'espère. Est-ce qu'on y est bientôt? Non, je crois pas, mais on ne sait jamais. Ça peut changer aussi ici, mais il ne faut pas qu'on trompe les gens avec, en disant on est de gauche et on ne peut pas faire autrement. Merci Ron Poulin, trust de la chimie, t'as baptisé nos usines avec des noms de fusées. Voilà, ça renvoie à ce qu'avait dit le social-démocrate Lionel Jospin. Quelques ouvriers en grève, l'État ne peut pas tout. C'est ce qu'il nous dit, hein, Yo-Yo, là, au bout. Oui, mais le problème... C'est ce qu'il dénonce. C'est ce qu'il dénonce, bien entendu, parce que l'État ne peut certes pas tout, mais l'État peut. Or, l'État se refuse de plus en plus, et dans la période où le néolibéralisme triomphe, l'État, comme avait dit Ronald Reagan, ce n'est pas la solution, c'est le problème. Donc on veut ruiner l'État. Donc on supprime tout ce qui a trait au service public, on condamne les lois de protection des salariés, on veut supprimer ou en tout cas amender, réduire à néant le code du travail, la justice prud'homale, etc., etc. Donc cette disparition de l'État, c'est très grave, parce que c'est pour ça qu'à mes yeux, nous sommes dans un régime post-républicain. Parce que ce qui est combattu en combattant les services publics, les lois de protection, etc., etc., c'est la notion centrale de la République qui est l'égalité. Or, nous sommes dans un pays, aujourd'hui, où un homme ou une femme peut gagner en une heure, et encore, je suis généreux, en 10 minutes, ce qu'un autre ne gagnera jamais en une vie. À partir de ce moment-là, le principe républicain de l'égalité est définitivement rompu. Donc, c'est une discussion complexe de savoir quel doit être le rôle de l'État. Mais à mes yeux, le rôle de l'État, c'est d'assurer un juste équilibre entre la liberté à laquelle chacun de nous aspire, mais qui... Y compris la liberté d'entreprendre, oui, d'ailleurs. Mais qui, poussé à son maximum, amène l'oppression. Le capitalisme réclame sans cesse plus de liberté, et c'est une idéologie d'oppression. Et puis la fraternité, on dirait aujourd'hui la solidarité, c'est-à-dire cette nécessité d'avoir entre les différents citoyens un rapport qui permette la vie, tout simplement. Bien, le rôle de l'État, c'est ça. Et c'est pour ça que l'égalité a été placée au centre de la devise de la République. Or, dans l'État où nous sommes aujourd'hui, en France précisément, eh bien, ce principe fondamental est très largement battu en brèche. D'un point de vue politique et de la pensée collective, on a parlé de classe ouvrière. Je ne sais pas s'il existe encore une classe ouvrière. Alors déjà, avec la désindustrialisation, forcément, elle a diminué en nombre. Et puis, depuis la chute du Parti communiste, est-ce que la classe ouvrière ne s'est pas retrouvée orpheline? D'ailleurs, il y a eu un déplacement pour une partie d'entre elles vers le vote Front National. Une partie d'entre elles. Est-ce qu'elle est orpheline politiquement? Elle est surtout inconsciente, à mon avis, de ce qu'elle représente et de la force qu'elle représente. C'est-à-dire que le morcellement des entreprises, le fractionnement des travaux, la mise en concurrence des uns avec les autres a fait que cette conscience de classe a été brisée. Et ça, oui, c'est une grande victoire du néolibéralisme de la droite et qui fait que dans cette tourmente, certains se tournent vers l'extrême droite en pensant que cette main qui se tend pourrait leur apporter quelque chose. Mais c'est simplement parce qu'ils sont aveuglés. Et d'ailleurs, dans le vote Front National, Emmanuel Todd l'avait très bien montré, parmi ceux qui ont adhéré au Parti communiste, ce sont toujours les plus jeunes. C'est pas les vieux communistes qui savent ce que c'est que le fascisme qui se tourne vers le Front National. C'est les jeunes gens pour qui ça paraît une autre type d'aventure. Moi, je crois que c'est surtout ça, que c'est difficile de parler aujourd'hui de classe ouvrière. Je pense qu'il est plus juste, finalement, de parler de classe salariée. Je crois que la grande distinction, la grande opposition aujourd'hui est entre le salariat et l'actionnariat. Ouais. C'est ça la vraie coupure entre les uns et les autres. Et qu'il faut apprendre, justement, à nouveau, à retrouver ces valeurs de fraternité, de solidarité, et de montrer que, eh bien, c'est par une union des salariés qu'on arrivera à transformer le monde. Sans ça, eh bien, nous sommes voués à une dictature politico-financière, comme on en voit une qui se dessine dans de nombreux pays. Merci Gérard Mordillas, ça a pu être le mot de la fin, mais quand même, je voudrais rappeler le souvenir des auditeurs Corpus Christi, tout le monde se souvient de Corpus Christi. Eh bien, avec votre acolyte habituel, Jérôme Prieur, vous sortez là pour Arte, 8, 9 et 10 décembre, Jésus et l'Islam, avec la même démarche avec historique. Avec la même démarche, avec le même historico-critique sur quelques versets du Coran. Très bien, merci Gérard Mordillas. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le conflit exemplaire de la Rodia, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous sommes vendredi, ce sera donc la fiction, elle sera consacrée à Frédéric Joliot-Curie, le père de l'atome.